que les je suis venu de si loin. Derrière moi, de longues distances où j'ai erré. Il est temps pour moi d'être forte et je sais ce qu'il y a dans mon cœur, ce sentiment de liberté. Ça s'appelle la vie. Et c'est pourquoi nous sommes là. C'est mon tour, le temps est venu. J'aimerais que tu me laisses tomber, je me relève seule. Laisse-moi pleurer un peu. Et si j'ai mal ou si je souffre, je saurai que j'ai vécu juste un peu. Laisse-moi pleurer un peu. Et si j'ai mal ou si je souffre, je saurai que j'ai vécu juste un peu. J'aimerais que tu me laisses tomber, je me relèverai seule. Laisse-moi.